Toc toc toc, ouvre-moi cette porte. J'ai pas envie de m'embrouiller. Stop stop stop, pose-moi ce couteau. Car dans ta tête c'est le brouillard, je la connais pas. Je te l'ai déjà dit, moi je suis posé. Et ça depuis jadis, elle traîne dans mes pas. Je te l'avais pas dit, fais pas le bandit. T'as l'air d'un bon type. Quoi quoi quoi, je comprends rien. Quoi quoi quoi, voilà que j'entends rien. Tu me dis que je suis en fond d'écran dans son funnel. Calme-toi, pose ton ce revolver. Elle a pris la fuite dans sa petite Volvo. Tu la retrouveras sur la place révoltée. Tout ce qu'elle te dit, tu la crois, crois, crois. Pourquoi tu me blâmes, blâmes, blâmes? Faudrait qu'elle arrête tout son bla bla bla. Et mérite pas sur baffe et qui fait blague, blague, blague. Peut-être quoi, quoi, quoi. J'comprends rien. Quoi, quoi, quoi. Voilà que j'entends rien. Sur ma vie que t'as aucune limite. Tu fais des grands gestes mais dis-moi que tu imites. Fonce dans le mur et ça dans les mains. Toi tu sens d'humeur du jour au lendemain. Tu voudrais que je vienne chez toi pendant que lui bosse. Tu penses que c'est bien ça. Allez va-t'en, j'ai pas le temps de négocier. Je pense qu'il est temps que je déclare les dossiers. Quoi quoi quoi, j'comprends rien. Quoi quoi quoi, voilà que j'entends rien. Cette fille elle est maléfique. Bélec. Je pense que tu dois la laisser. Bélec. Ah cette fille elle est maléfique. Bélec. Je pense que tu dois la laisser. Bélec. Quoi quoi quoi, j'comprends rien. Quoi quoi quoi, voilà que j'entends rien.